Les verbes dérivés de ces noms qui sont semblables en français et en espagnol, eh bien, ces verbes-là ressemblent eux aussi à leurs équivalents français. Au lieu de la terminaison en « er » du verbe français, le verbe espagnol équivalent finit, le plus souvent, en « ar »,« ar ». Par exemple, prenons « circulation ». Circulation se dit « circulation ». Oui, bien sûr, hein? « circulation ». Et « circuler », ça sera donc « circulation ». Non, le verbe équivalent à « circuler » finit en « ar », hein, « ar » en espagnol. Ah oui. Donc, c'est tout simplement « circulacionar ».« Circular hein? ».« Circuler », c'est tout simplement « circular ». Au lieu de « er », on a « ar ». Et « formation ». « Formation » se dit « formation ».« Formation ». Oui, c'est donc un mot en ION, formación. Et le verbe former, en espagnol, c'est tout simplement formar. Formar, hein, avec AR à la fin. Mm-hmm. Alors, de la même manière, vous savez déjà dire information, en espagnol, c'est información. Oui, mais IN, en espagnol, se prononce IN, hein, jamais UN. Je veux donc entendre de façon distincte, le « i » et le « n ». Information ? Information. Information. Information, oui. Et donc, informer, ça sera Informar ? C'est ça, hein? Informar, avec « ar » à la fin. Et transformer ? Transformar ? Tout à fait. Transformar. Et confirmer, ça sera confirmar. D'accord. Confirmar. Le R qui se trouve à la fin de ce verbe, comme de tous les autres verbes que nous avons vus auparavant, confirmar, transformar, comer, saber, ver, etc. Ce R final est la marque de l'infinitif en espagnol.